Cette année, on va en vacances à Marseille. Marseille? C'est la ville où je suis née. Ah bon? On va habiter à l'Estac. Tu connais? Bien sûr. C'est le quartier où j'ai passé toute mon enfance. J'y suis restée jusqu'en 1990, l'année où j'ai passé le bac. Eh bien, viens nous rendre visite. On y sera en juillet. En juillet? Quel dommage. C'est le mois où nous avons le plus de travail.